وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم الست مذهب السلف la voix des salaf madhhab ahli sunnah wal jamaa concernant notre position par rapport aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa nuhibbuhum fillah azza wa jalla sans exagérer كذلك ولا نتبرأ من احد منهم عياذا بالله كما تفعل الرافضه اخزاهم الله انهم تبرؤوا اي les rendent kuffar mécréants et ils les détestent et ils détestent ceux qui les aiment. فَنَحْنُ avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam لَا نَتَبَرَّ أَبَدًا قَالَ وَنُبْغِدْ مَنْ يُبْغِدُهُمْ ceux qui détestent les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam كذلك on les déteste. Pourquoi? لأنهم ils détestent la meilleure génération, ils détestent ceux qui ont propagé هذا الدين. Ils détestent ceux qui ont vécu la révélation. Ils détestent ceux qui ont entouré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قَالَ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ كَذَلِكْ on déteste ceux ou celui qui cite les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou certains d'entre eux بِغَيْرِ الْخَيْرِ ils les critiquent et ils les rabaissent. فَهَذَا on le déteste فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ولا نذكرهم إلا بالخير. Et ça c'est un point important. أن الصحابة on les cite إلا بالخير. قال وحبهم إيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Les aimer في الله عز وجل ça fait partie de l'iman, de l'ihsan. Les détester c'est du كفر ونفاق de l'hypocrisie وطغيان de l'égarement عياذا بالله. فاحذر أخي الكريم أخي المسلم لا تذكر هؤلاء الأخيار إلا بالخير والجميل أخي المسلم quand tu parles des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne les cite que بالخير qu'avec des bonnes paroles وحذر de rentrer dans des choses que tu ne maîtrises pas et ربما tu prends position بغير حق ou tu dépasses les limites وتطعن في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أي celui qui prend celui qui fait du mal à un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala فالله lui déclare la guerre et les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم on n'a aucun doute أنهم ils font partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala بل c'est خير الناس بعد الأنبياء والرسل c'est les meilleurs des hommes après les messagers et les prophètes قال الإمام السمعاني رحمة الله عليه كما نقل الحافظ في الفتح التعرض إلى جانب الصحابة أي celui qui touche qui critique à un compagnon du prophète محمد صلى الله عليه وسلم علامة على خذلان فاعله ça montre أن cette personne مخذولة أي ما وفق للحق il n'est pas guidé sur le droit chemin إما à cause de son ignorance à cause de son orgueil à cause de sa rancœur عياذا بالله à cause de son penchant vers les passions et vers les égarés فيطعن في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم et ça c'est une preuve أن هذا الرجل il n'est pas على حق il n'est pas على خير أبدا il serait à la khayr, il ne critiquerait pas un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'anna aliyu al-fa'idah. Ba'd al-nas l'an, comme on va voir, annahum yit'anouna fi ba'di ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, imma directement, imma indirectement, avec des choubah, avec des choses qui n'ont aucune base, aucune source, laquelle la question qu'on se pose, pourquoi? Pourquoi la yit'anouna fi al-kafara? Pourquoi ils ne critiquent pas Al-Kuffar et ils sont beaucoup, ils sont nombreux à notre époque. Pourquoi ils ne critiquent pas Ahl al-Bida' wa al-Dhalal wa al-Ahwa wa Ahl al-Shubuhat wa al-Shahawat? Il y a beaucoup de gens à critiquer et à conseiller et à montrer leur égarement. Lakin ha'oula, avec les égarés, ils ont un rifq, qui dépasse les limites de la douceur, qui n'est pas à sa place, et avec Ahlul Haqq, Ahlul Ilm, même avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une shidda, et ils critiquent, et ils citent des choses, et leur but c'est d'écarter les gens de Ha'oula. Iyadam billah. قال التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة. أي نعم, c'est pas la voie des salaf. Les salaf salih et ceux qui sont venus après eux, leurs élèves, ils critiquaient pas les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou certains d'entre eux. أبدا. Tout ça c'est من البدع والضلال. ومن هؤلاء الطاعنين في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المخذول المنحرف إسلام ابن أحمد. هذا الرجل dans ses cours, dans ses audios, يطعن بشدة, il critique أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, certains d'entre eux, خاصة comme on va voir بإذن الله عز وجل معاوية et d'autres. Il a une شدة عجيبة. Et beaucoup de ces audios, beaucoup de ces interventions, c'est fihada. Et tu le trouves fi janib al-kafara wal mulhidin wa ahli al-bid'a wa al-dhalal fala yatakallam fihim. Ça montre an ar-rajul il est ala sou, il est ala dhalal, il est ala inhiraf. Et on va lire ces paroles ensemble inshallah ta'ala wa narud bi kalam ahli al-ilm على شبهاته وانحرافاته والله المستعان. اولا, avant de commencer à citer les égarements de cet homme, اعلم اخي الكريم حفظك الله ان كل مبطل من اعظم اسباب انحرافهم اي مبطل, n'importe quel égaré, tu trouveras que la cause de son égarement, de cet égaré, annahum banaw wa assasu i'tiqadahum wa nahjahum madhhabahum ala muqaddimat batila. Ça c'est important à savoir pour talib al-ilm. On a tous ces égarés que vous voyez l'an fi saha, la cause de leur égarement, annahum, ils ont fondé, ils ont basé leur voie, leur croyance, leur pensée sur des muqaddimat batila. Et ils ont une approche dans un sujet quelconque qui est fausse. Im, elle est basée sur l'ignorance, et ils se précipitent et ils comprennent mal la chose. Enfin, la conséquence, c'est qu'ils vont critiquer, par exemple, notre sujet des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Im bi jahl, il va pas comprendre, il va se précipiter et il va critiquer. C'est un jahl. فهذا يعلم, on le conseille, أنه لا يستعجل, et il apprend عقيدة السلف. إما il connaît le حق, لكن il le rejette بشبهات, et il le rejette à cause de l'hawa. هذا c'est مهم. تأمل كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الفتاوى المجلد السابع, قال وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق. Ils ont délaissé الحق. أعرضوا. Ça montre أن هؤلاء, ils ont les capacités, ils ont la capacité de connaître الحق. Et ربما ils se sont fait conseiller, لكن أعرضوا. الإعراض, c'est délaissé, rejeté. C'est pour ça que Cheikh al-Islam il parle de أهل البدع. الآن. Et ceux qui قامت عليهم الحجة, لكن ils s'entêtent dans leur égarement. وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها. Et leur vision de l'islam, elle est basée sur des mauvais fondements, sur une mauvaise approche. Enfin, ils s'égarent. Ils pensent que telle chose, la signification c'est كذا. ثم ils rejettent cette chose. Alors qu'au départ, la signification, la base, elle est mauvaise. قال إما في دلالة الألفاظ. إما il comprend pas le dalil. اللفظ. إما ce verset, إما ce hadith, il le comprend pas. ثم il s'égare à cause de sa mauvaise compréhension. وإما في المعاني المعقولة. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى دي أمثلة في تعريف إسلام هذا ابن أحمد للفظ الصحابي. La signification, la définition d'un sahabi. Vous allez voir, il a mélangé beaucoup de choses et il a un manque d'objectivité claire. Les anna serodoud et ses interventions, c'est basé sur le hiqd ou le bourd. Les ahli sunna khassa et les ba'd ashab rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il manque d'objectivité avec un manque de ilm et de la précipitation. Tu trouves un nahu yaqoul mitla hadha al-kalam al-khatir. Qu'on va citer, Inch'Allah. قال شيخ الإسلام ولا يتأملون بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك ils ont un manque de تأمل. Ils se précipitent. Et ils donnent pas un حق suffisant au دليل. فيتخبطون un دليل من هنا, ils rejettent هذا, ils prennent هذا, ils reviennent pas أهل العلم. Ils ont du mal à comprendre et ils s'égarent, يدن بالله. ولا قال ولكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تكون ضلالا. Et chaque approche, chaque fondement, chaque base qui contredit le kitab ou la sunna et la voie des salaf, c'est de l'égarement. Et beaucoup de adilla à ce sujet. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا ça c'est le دليل qu'on peut citer pour appuyer la parole de شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ونذكر أمرين, on cite deux points que إسلام ابن أحمد هذا il cite souvent dans ses dorous, dans ses interventions sur le sujet des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet ordre il est muhim. Quand on réplique à Ahl al-Ahwa, c'est min al-muhim de connaître al-sabab, pourquoi qala hada. Et si on arrive à comprendre la cause et pourquoi lui-même il n'a pas compris, fa inshallah on comprendra le reste de son kalam, de ses interventions. المقدمة الأولى la première approche قال إسلام ابن أحمد dans une intervention بعنوان لأحاديث faisant l'éloge de معاوية قال les chiites ils parlent des personnes, ils insultent معاوية comme ils ont déjà insulté les compagnons avant lui. الآن il va citer le madhhab des chiites, bi'ikhtisar, et le madhhab de Ahl al-Sunnah. Et lui, on va voir sa position. Et on va voir que ce qu'il prétend sur Ahl al-Sunnah, c'est faux. C'est pour ça qu'on a dit, al-muqaddima al-batila. Il y en a, ils pensent que Ahl al-Sunnah, ils disent une chose, thumma, il va vouloir les contredire et répliquer, alors que aslan, al-sunni, il dit pas hada. C'est pour ça que la parole de Cheikh al-Islam, elle est importante, pour comprendre l'égarement de chaque mubtil. Prends l'exemple de Rawafid, matalan. من المقدمات الباطلة أنهم يديز أهل السنة يدتست لا فامي دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم يدتست علي يدتست فاطمة يدتست الحسن الحسين فهم soi-disant ils ont voulu défendre secourir la famille du prophète محمد صلى الله عليه وسلم فإذا attaquent أهل السنة بل ils ont accusé les compagnons أنهم يدتست لا فامي دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فالمقدمة الباطلة أن les compagnons يدتست لا فامي دو بروفيت صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله. Thumma, beaucoup d'égarements, ils ont été suivis après hada. On revient à sa parole. Les chiites, ils parlent des personnes. Ils insultent Mu'awiya, comme ils ont déjà insulté les compagnons avant lui. Et les sunnites disent que tout est masha'Allah. Awalan, vous remarquez qu'ils citent la parole de Shia, Rafida Dullal, kadalik ils citent la parole d'Ahl al-Sunnah. Et pour lui, les deux, c'est de l'égarement. A'iyadam billah. Et les sunnites disent que tout est masha'Allah. Une fois tu as rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tu ne peux plus faire un péché ni une erreur. C'est le muqaddima batila. Alors que dans la croyance, on sait que le seul qui est à l'abri de tout péché et erreur est le messager ou les messagers. On revient à sa parole. 1. قوله, et les sunnites disent que tout est masha'Allah, une fois tu as rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon, celui qui a rencontré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant, et il est mort à la dhalik. Enfin pour lui, ahl sunnah, qu'est-ce qu'ils disent? Ce compagnon, il ne peut plus faire d'erreur, ni péché. Et une erreur, c'est pas un péché. Lakin huwa, il a cité les deux, hein. Ni erreur, ni péché. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم. كلام واضح. شيخ الإسلام السيت الإجماع l'unanimité des imams de la sunna أنهم ils ont pas cette croyance. Un compagnon, il est infaillible. Il ne commet pas de péché et il ne commet pas d'erreur. Enfin, vous avez vu le Muqaddim al-An, il essaie de faire croire un Ahl Sunnah. Ils disent que celui qui a rencontré le prophète, il ne peut plus faire d'erreur. Hatta huwa, après cela, il cite les erreurs de certains compagnons, wa yat'an fihim, et il dit un Ahl Sunnah, ils les suivent aveuglément, ou ils disent qu'ils sont infaillibles. Alors que c'est du kadib. Cheikh al-Islam al-An, il nous cite. أن أهل السنة leur عقيدة أن الصحابي il est pas infaillible même s'il fait partie de السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار il est pas infaillible il peut se tromper il peut faire un péché لأن العصمة c'est للأنبياء والرسل قال شيخ الإسلام بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم نحن سنة عقيدة أن الصحابي peut se tromper, il peut faire un péché, لكن نحسن الظن بهم أنهم سأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل et ils font التوبة et Allah subhanahu wa ta'ala les élève en degré. Ils sont pas معصوم. ويغفر لهم بحسنات ماحية. Et كذلك ils ont beaucoup de حسنات par rapport au péché qu'ils ont fait. لا شك أن leurs حسنات elles sont beaucoup plus. قال أو بغير ذلك من الأسباب أو autre chose. المهم on retire نحن de cette parole de Cheikh al-Islam أن مذهب أهل السنة ils n'ont pas cette croyance que هذا المخذول الكذاب il essaye de faire croire. Et les sunnites disent que tout est masha'Allah. Une fois tu as rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tu ne peux plus faire un péché ni une erreur. Qu'est-ce qu'il veut faire croire? Il veut faire croire à ceux qui l'écoutent أن السلفيين أهل السنة ils exagèrent en suivant les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui veut montrer al-haq, la voie du juste milieu. Fa'ida, qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi miftah dar al-sa'ada wa qad yughlat fi musamma al-adala. Et ça c'est important. Wa la'alla hadha ar-rajul utiya min hadha al-bab. C'est possible qu'il n'a pas compris ce point, c'est pour ça qu'il pense que Ahl al-Sunnah ils disent ce qu'il a prétendu. Ahl al-Sunnah, ils disent que jami' al-Sahaba, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font partie de al-Udul, pluriel de l'Adl. Et c'est des personnes de confiance. Et ça, c'est min madhab Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Farubbama hadha al-Rajul, il a compris que quand al-Sunni, ou ulama al-Sunnah, ils disent que tous les compagnons c'est des Udul, il a compris infaillible. Allahu a'lam, est-ce que c'est hadha qasduh amla? المهم ابن القيم يمونتر أن سي اون ايرور وقد يغلط في مسمى العدالة أي certaines personnes ils ont mal compris العدالة العدالة c'est une personne de confiance un عدل فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له بعض الناس يكون أن العدل أي c'est une personne qui fait pas de péché لا c'est pas ça العدل لأن on fait tous des péchés إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل قال وليس كذلك بل هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان منهما يتوب إلى الله منه فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية ابن القيم démontre أن عدل il peut faire des péchés et il fera des péchés il n'est pas معصوم لكن ça contredit pas que c'est une personne de confiance le péché il annule pas l'Iman عند أهل السنة كذلك il annule pas al-wilaya. Al-mu'minun, c'est des awliya. Lillah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait un péché, on dit plus, c'est plus un wali. Là, ceux qui ne sont pas des awliya, lillah subhanahu wa ta'ala, c'est le kafara. Fa kadhalik al-adala. فمثلا عندنا الإمام البخاري سعدل الإمام أحمد سعدل tout cela c'est أئمة عدول. C'est pour ça qu'on accepte leur riwaya. Est-ce que on a une croyance en l'imam Bukhari, il n'a pas fait de péché, l'imam Ahmed, il ne faisait pas de péché? Abadan. Fahakada fi ashab Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fahahl sunnah, as-salafiyyun, yakouloun, anna jami' as-sahaba udoul. C'est ça notre croyance. Anna jami' as-sahaba udoul, wa la ya'taqidoun ma'a dhalik annahum ma'asoumoun. C'est ça notre croyance. Vous avez compris l'an, son approche comme elle est mauvaise. Il accuse Ahl-Sunnah de penser que ce compagnon, n'importe lequel, un compagnon c'est celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et il est mort à l'Iman. Et Inch'Allah, le prochain dors, ça sera sur la signification, la définition du sahabi. Inch'Allah. Lakin, nous, notre croyance, ce sahabi, il fait partie de l'udoul et on l'aime fillahi azza wa jal. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire d'erreur. Deuxième approche. Fi ta'rif al-sahabi. Et on détaillera, inshallah, dans le prochain dars. Amma l'an, nahnu faqat pour montrer anna hadha ar-rajul, il a basé ses recherches sur al-batil ou al-khata, et après il accuse les autres à tort. Qala, dans une intervention, al-sahaba, d'après le Coran, la sunna al-jumhur, wa yat'an kathiran fi بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم dans cette intervention. قال, on a deux sens de compagnon. Le compagnon avec le sens général, celui qui a vu le Nabi صلى الله عليه وسلم croyant. Il est mort croyant, mais à condition qu'il a bien suivi le premier. C'est-à-dire la catégorie qu'on va citer. Rua, il dit que les compagnons se divisent en deux. Compagnon sans général, comme قال, c'est celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, walaw marra, il l'a rencontré, walaw un court instant, et il est mort à l'Iman. Hada, on le suit si il a suivi l'autre catégorie. L'autre catégorie, qala, c'est un compagnon avec le sens particulier. C'est-à-dire, as-sabiqoun al-awwaloun min al-muhajirin wal-ansar. Ta'ammalu l'an. Pour lui, ces deux catégories, c'est des compagnons. Lakin, les premiers parmi les muhajirin et l'ansar, tu ne peux pas les critiquer. Les deuxièmes, et ceux qui ont vu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam un court instant, oh oui, ils sont venus après al-muhajirin ou l'ansar, après le Hudaybiyya, après Fath Mecca, après ils n'ont pas fait al-hijra, oh, ils ne font pas partie de l'ansar. Enfin, pour lui, ha'oula, ils ne font pas partie de l'udoul, tu peux les critiquer. Enfin, il essaye de faire croire annahu la yat'an fi ashab rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il vise une catégorie et yat'an fi ashab rasulullah l'autre catégorie. Après ta'ammal ma daqal, les grands compagnons, al-an il va fassal les deux catégories qu'il a citées. Les grands compagnons, c'est-à-dire al-muhajirin ou al-ansar, etc., Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali, on doit les suivre sans condition et les autres avec condition. Ici des tafsilat Allah a'lam min ayn ja'a biha. Qala, mais les autres nous disent, quand il dit les autres, et Ahl al-Sunnah, il faut suivre tous les compagnons. Ta'ammal, il cite des questions, il se répond tout seul. Là, il s'attire abadan dans ce qu'il prétend, que ça soit avant, quand il a dit que on dit que les compagnons, ils font pas d'erreur et ils font pas de péché. Il peut pas citer kalam imam min a'immat al-Sunnah. Et كذلك في هذا الباطل. Mais les autres nous disent, et Ahl al-Sunnah, il faut suivre tout compagnon. Qui est ce compagnon? Il pose une question. Celui qui a vu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam croyant est mort croyant. Enfin, pour lui, nahnu, on ordonne, et c'est une obligation pour nous, de suivre chaque compagnon. Awwalan, al-kalam hada, kama tara fi khalt wa kadhib wa talbis. Léana, c'est pas un kalam, il est fondé avec le hujjaj. Il cite des preuves, il cite kalam a'imma, il cite des références. Là, c'est un kalam, hakada, sans preuve, sans source. Fa nahnu, en tant que Ahl al-Sunnah, madhab al-Salaf, c'est que al-Ijma' al-Sahaba, et ceux qui sont venus après eux, c'est une hujja. La tajtami' ummati ala dhalala. Rouya hadha ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadith fihi kalam, lakin ba'd Ahl al-Ilm yuhassinouna. Donc, nahnu al-Ijma', si les compagnons ils sont unanimes sur une chose, on n'a pas le droit de délaisser leur voix. Comme a dit Allah azza wa jal, wa man yushaqiq al-Rasul من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. On n'a pas le droit de délaisser ce sabil haoula s'ils se sont rassemblés sur une chose. هذا أولا. ثانيا, إذا اختلفوا, s'il y a une divergence entre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on doit faire? قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى وإن تنازعوا, أي les compagnons, ça arrive, اختلفوا في مسائل في الحج, في الميراث, في الصلاة, في الزكاة, dans des مسائل de fiqh, اختلفوا رضي الله عنه. Et celui qui a étudié le fiqh يعرف هذا. العلماء السيد قال ابن مسعود رضي الله عنه, قال ابن عباس رضي الله عنه, قال عمر, etc. وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه لله والرسول. Quand ils divergent, on revient au dalil. On regarde à quoi le sahaba et on prend le qawl qui est fondé sur le dalil. Et les autres compagnons, ils ont une excuse. Le sahabi ne délaissera jamais le dalil volontairement. Abadan. Lakin, rubbama le dalil lui est pas parvenu, rubbama la compréhension, l'ijtihad, هذا معروف عند أهل العلم. ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. Et c'est l'unanimité des savants. S'il y a une divergence, on ne peut pas dire que la parole d'Ibn Abbas c'est une preuve et on délaisse la parole d'Ibn Mas'ud, ou la parole d'Omar c'est une preuve et on délaisse la parole d'Abu Bakr. هذا مذهب أهل السنة. أما المخذول ماذا قال؟ Mais les autres nous disent il faut suivre tout compagnon. من قال هذا؟ Comment ça faut suivre tous les compagnons si un khilaf? On suit les compagnons fi al-umur al-mujma' alayha, al-aqida, etc., des choses claires. La chèque, on suit les compagnons. Et fi al-masa'il al-khilafiyya, fa ahl al-'ilm yabhathun 'an al-haqq. Et ils prennent la parole du compagnon qui est fondée sur le dalil. Hada. Vous avez vu la différence entre madhhab al-sunnah et les prétentions de hada al-kadhdhab al-ashir? Ta'ammal al-an. Pour vous montrer, nahnu on essaie de citer graduellement pour montrer أن الرجل في الحقيقة il veut pas le haq. لأنه il cite des choses بعيدة جدا. تأملوا قوله وكذبه وافتراءه على أهل الحق والسنة. قال mais les autres nous disent أهل السنة il faut suivre tout compagnon. Donc مقدمة باطلة, il a une approche qui est fausse, ثم il fait une conclusion qui est très grave. Donc suivez, il parle aux salafis, à l'Sunnah, donc suivez Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt, car il aimait trop boire de l'alcool. Donc vous commencez à boire l'alcool car c'est un modèle. Donc le khamr ce n'est pas haram, car Al-Walid l'a bu, mais Allah l'a interdit. C'est ça le raisonnement. Vous avez vu la conclusion là, hein? Al-Walid ibn Uqba, ثبت في صحيح مسلم رحمة الله عليه عن حضين ابن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أنه شرب الخمر. الوليد ثبت في صحيح مسلم أنه يلب حتى مرة على وقت عثمان إلى في الصبح دو ركعات ستلوي الإمام il leur a dit est-ce que vous voulez que je rajoute. Il avait bu. فقال عثمان رضي الله عنه يا علي قم فجلده. عثمان c'était amir mu'mine, il a ordonné à Ali d'appliquer la sentence sur lui, les coups de fouet parce qu'il a bu de l'alcool. Donc هذا c'est ثابت. Est-ce que tu as déjà entendu un sunni dire qu'on a le droit de boire de l'alcool لأن الوليد il a bu؟ عيادا بالله أبدا. L'alcool c'est haram. نحن الناس عقيدة أن الصحابي il est pas معصوم. Et c'est une erreur. لكن et c'est une فائدة الحدود كفارات لأهلها. Pourquoi هذا المخذول il cite cet exemple أولا pour salir l'image des salafis et كذلك il rabaisse ce compagnon رضي الله عنه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ما أصاب من ذلك من أصاب من ذلك شيئا. Et celui qui a fait un péché, qui mérite une sentence, il m'a volé, il m'a boire de l'alcool, il m'a zina. فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا. Et la sentence, elle a été appliquée sur lui. فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. Et ses péchés, son péché, lui a été pardonné. C'est une kafara. Et il a été puni. فَالْوَلِيدِ. Il a bu de l'alcool. قَامُ عَلَيْهِ الْحَدِ. فإنشاءالله c'est une kaffara pour lui, فلا نذكره إلا بالخير. أما هذا إسلام المخذول يظلم أهل السنة en les accusant de ce raisonnement alors que c'est un mensonge. Il ne peut pas citer une lettre. On ne parle pas des savants de l'islam, d'un salafi qui dit que l'alcool s'est permis parce que le walid il a bu. Abadan. Al-Khulasa. On résume l'an. Anna ahl al-sunnah, al-salafiyin, ya'taqidun anna afrad al-sahaba ghayr ma'soumin. C'est ça notre croyance. Anna un sahabi, il n'est pas infaillible. Il peut se tromper, il peut faire un péché, etc. Wa ma'a dhalik. Et avec ce premier point, on a avec la conviction que jami' al-sahaba, c'est des personnes de confiance. Kama bayyana ibn al-qayyim anna al-adala, elle n'est pas annulée par un péché. Wa kadhalik min aqidatihim anna al-sahaba yatafawatuna fil fadl. Il y en a pour lui, celui qui a écouté les interventions de hadha al-makhdhul, wala nansah bi sama'iha. لأنها لفوندي سور الهوى والجهل والكذب لكن من باب الرد on était obligé d'écouter certains de ces kalimat. Celui qui écoute كأنه il pense que السني pour lui il n'y a pas de différence entre les compagnons fil fadl. C'est pour ça que هو il a fait ces deux catégories. نحن on n'a pas besoin de ces deux catégories. نحن on a des preuves من الكتاب ومن السنة أن الصحابة ils sont pas tous au même niveau. C'est tous des personnes de confiance. On les aime tous في الله لكن في العلم وفي الصلاح ils sont pas tous au même niveau. أبو بكر الصديق c'est أفضل الصحابة بالإجماع. ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم les autres que النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة les 10 les 6 autres ثم أهل بدر أهل أحد أهل البيعة etc. On n'a pas cette عقيدة أنهم ils sont tous au même niveau. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى montre أن ceux qui ont suivi le Nabi صلى الله عليه وسلم au départ ils sont pas comme ceux qui l'ont suivi après الفتح. لا ils sont pas au même niveau. قال الإمام ابن العربي رحمة الله عليه في أحكام القرآن وفيه دليل على أن الصحابة مراتب وأن الفضل للسابق. Ce dalil montre أن الصحابة ils sont pas tous au même niveau, il y a des degrés et أفضلهم c'est les premiers. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ce verset montre أن الله سبحانه وتعالى رضي عن الجميع لكن il y a un فرق entre les premiers ceux qui sont venus après. أما هو il fait une différence فلي premiers il appelle à les respecter à les suivre sans condition. فنحن نقول له si un خلاف أبو بكر رضي الله عنه il a un خلاف avec ابن مزعود أو avec ابن عباس ou un autre. Tu suis أبو بكر sans condition رضي الله عنه. لا يكتن عقيدة أنه il est pas infaillible. Enfin, Obama, il s'est trompé, Obama, ijtihad, Obama, le délit lui est pas parvenu. Enfin, son kalam, il est batil. Aslan. Ou l'imam al-Hakim, rahmatullah alayhi, dans son livre, Ma'rifat Ulum al-Hadith, il a cité Tabaqat al-Sahaba. Il en a cité 12. 12 ay degrés. Le premier degré, c'est al-Khulafa al-Arba', Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Thumma, il cite 12. Le dernier, c'est ceux qui étaient petits à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était compagnons. Ils ont rencontré Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils étaient croyants et ils sont morts à la dhalik. Ils ne sont pas comme les premiers, al-khulafa al-arba. قال العلامة الشيخ سعدي رحمة الله عليه ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول احترز تعالى من هذا بقوله وكلا وعد الله الحسنى. تأملوا في الآية وكلا وعد الله الحسنى. الله il a cité أنهم ils sont pas tous pareils les premiers et ceux qui sont venus après لكن الله سبحانه وتعالى قال وكلا وعد الله الحسنى. C'est pour ça qu'on dit c'est tous des عدول الله زكاهم لكن ils sont pas tous au même niveau. أما قصد هذا الرجل إسلام بن أحمد من هذا التقسيم سأطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال dans une intervention suivez les sahaba, oui, mais qui sont-ils? Sachant que beaucoup des compagnons avec cette définition Et le taqsim qu'il a fait. Le premier, il faut les suivre sans condition. Al-Muhajiroun ou Al-Ansar. Le deuxième, ceux qui les ont suivis. Ceux qui les ont suivis, Ihsan, ils sont avec le premier pour lui. Et les autres, il y en a, ils ont suivi Ghayr Ihsan. Et c'est des compagnons. Qala, sachant que beaucoup des compagnons avec cette définition sont loin d'être représentants du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta'ammal qawlahu comme il est grave. Beaucoup, qala, beaucoup, beaucoup de compagnons, كذلك, ils sont loin du modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être, le dernier d'entre nous est meilleur que certains. A'oudou billah. Ça, c'est un kalam khatir. Le dernier d'entre nous est à notre époque, le dernier des mu'minines, celui qui a la foi la plus faible. Obama miskin, il fait des masa'ib, des adha'im. Fahoua yaqoul, peut-être il est meilleur que certains. Aïe, la première génération, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a zaki. Le fait qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on verra dans le prochain dars, dans la définition, inshallah, le fait qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est afdal que tous les a'mal, que toutes les œuvres que ceux d'après, ceux qui viennent après les compagnons. Le fait qu'il l'a vu, il est mort à l'iman. Lakin, had rajul, il donne pas de qadr, il donne pas de valeur à hada. C'est pour ça qu'il s'est égaré fi hada al-bab. Qala kadhalik, dans la même kalima, et d'autres qui ont embrassé l'islam sont des pervers selon Allah et Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-an yatakallam fi ba'd ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres, la catégorie qu'il a citée, qui ont embrassé l'islam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sont des pervers selon Allah et Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité des choses, inshallah, qu'on réfutera plus tard. Qala kadhalik, et on cite cette dernière parole, plusieurs d'entre eux n'étaient pas les compagnons de la première catégorie. La première catégorie, al-muhajirun wal-ansar, les premiers qui ont suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'autre catégorie, celle qui critique bishidda, qala, et ils n'ont fait que du mal à la umma de l'islam. Et al-khabith, il vise Muawiyah radiyallahu anhu et d'autres compagnons qui... que هذا الخبيث الى ان بغض يحق في قلبه على هؤلاء الاخيار رضي الله تعالى عنهم. Ces deux approches, ces deux muqaddimat, elles sont muhim. Sa compréhension de as-sahabi عند السني et كذلك ان الصحابي il est infaillible pour lui عند اهل السنه. Tout ça, ça l'a poussé à ne pas comprendre et ne pas vouloir comprendre la voie des salaf, la voie de Ahl Sunnah, As-Salafiyyun, et ba'da dhalik, il a cité des choses, des shubah, des adillah qui ne sont pas à leur place, et yat'an, et yatakhabbat, et le prochain dars, bi'idhnillahi azza wa jal, on citera ma yata'allaq bi ta'rif al-sahabi, et inshallah, le troisième dars, on essaiera de citer طعوناته في بعض الصحابة خاصة معاوية et d'autres. On détaille قليلا لأن الرجل إلى des شبهات et بعض الناس ربما اغتروا به بعض المساكين خاصة الآن avec internet, avec les réseaux sociaux, ما يدرون, ils n'ont pas التحري في العلم de qui prendre, فربما اغتروا بهذا الرجل لأنه يسيد des choses غريبة. Et بعض الناس, ils n'ont pas de التحري. فلهذا on détaille قليلا حتى إن شاء الله celui qui veut الحق في هذه المسألة فسي دروس صلدغ بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.